c'est vachement plus dur de Nexno. RG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. J'adore. C'est la saga des Fafors. Comment allez-vous, mesdames, messieurs? Bonsoir, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fafors sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles au mercredi soir. Et c'est la saga numéro 344 sur RIG. Cette saga, cette émission a été créée en 1984. Nous démarrons donc la 34e année déjà, mais le plus depuis 11 ans sur RIG, c'est que nous sommes diffusés sur internet sur www.rigfm.fr et que grâce à cela, vous pouvez nous entendre sur Bordeaux, bien sûr, sur 90.7, mais sur la France, en Europe, dans le monde entier, voire peut-être dans l'univers. Donc merci à vous et rejoignez-nous sur Facebook par exemple dans le groupe La Saga des Fab Four pour pouvoir discuter des chansons, pour pouvoir éventuellement demander un titre pour une prochaine chanson, prochaine émission bien entendu, vous aviez compris. Et puis voilà, nous sommes dans un petit groupe très très sympa sur Facebook, c'est La Saga des Fab Four tout simplement. Il y a aussi évidemment macaclub.com pour en discuter notamment de Paul McCartney dans le groupe La Saga des Fab Four aussi, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Voilà. L'album de la semaine, c'est l'album All Things Must Pass de George Harrison en 1970. Un album qui a plus de 40 ans et qui pourtant est totalement génial encore, encore et encore. On en parlera un petit peu plus loin. On écoutera Waiting on You All, My Sweet Lord. Évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur celui-là. On écoutera Wawa. Il y aura également All Things Must Pass, Isn't It a Pity et The Art of Dying. Pour Lennon, ce sera par exemple Gimme Some Truth sur l'album Imagine en 1971. Pour Paul McCartney, nous entendrons Daytime, Nighttime Suffering sur Back to the Egg. C'est une chanson qui a été ajoutée sur l'édition. Elle ne figurait pas sur le vinyle à l'origine, mais elle est bien sortie dans cette époque-là. Et c'est une très belle chanson. Et vous me l'aviez demandé justement lorsqu'on a fait une spéciale sur Back to the Egg. Vous avez dit, c'est dommage qu'on n'écoute pas celui-là. Donc je l'ai rajouté cette semaine-là. Pour Ringo Starr, eh bien, il y aura justement 4 extraits du nouvel album Give More Love qui arrive. Là, j'en ai 4 chansons déjà. On écoutera tout ça. Et pour les Beatles, par exemple, il y aura Taxman. Voici le premier titre. On commence sur les chapeaux de roue parce que c'est très très bien. George Harrison en 1970 qui surprend tout le monde. A Waiting on You All sur RIG. Open up your heart. You know what I mean? The people who need to love, and it's a way for you to get clean. By chanting the names of the Lord, and you'll be free. The Lord is waiting on your heart, so you can see. Chanting the names of the Lord, and you'll be free. The Lord is waiting on your heart. You don't need no passport, you don't need no visa. You don't need the designate on your heavy grave before you can see Jesus. If you open up your heart, you see he's right there. He always was and will be, relieve you of your

Et Bernard sur Facebook confirme cette chanson, Daytime, Nighttime Suffering, était la chanson préférée de Linda McCartney. Il a raison. Et Linda McCartney, très belle femme et grande compagne, muse de Paul McCartney, bien entendu. Vous êtes bien sur RIG, voici venir Ringo Starr. Ringo Starr, la semaine prochaine, on va vraiment mettre son nouvel album parce que je compte le recevoir. Je joue un petit jeu difficile là, si jamais il y a du retard, je vais être embêté parce que je n'ai reçu sur iTunes que 4 chansons. Bien entendu, je vais avoir l'album en vrai aussi, parce que c'est ça, quand on est fan, on veut l'avoir dans sa vidéothèque, dans sa CD-tech, etc. Et donc, je ne connais pas les autres titres, et surtout, je les ai pas entendus. Donc, on va découvrir ce soir 4 titres que j'ai actuellement en, on va dire, en exclusivité. Oui, on va le dire. Voici le premier titre. Le titre, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est Give Me Love, le titre éponyme de l'album. Ringo Starr sort un nouvel album dans quelques jours. Est en exclusivité sur RIG. Sometimes this world can be a hard place. We wonder where we go from here. So many hurting fans lost everything they had. It's hard to know what we can do. Give more love, give more love. It's what we know we need more of. From the heart, let it start to spread to everyone. Now it's up to you. Something you can do. Give more love. Give more love. Give more love. So many times when hearts are broken. So many angry words get spoken. Let's all try to understand. Reach out a helping hand. Find a way to make it right. Give more love. Give more love. It's what we know we need more of. From the heart, let it start. Now it's up to you. There's something you can do. Give more love. Give more love. Give more love. Prochain extrait, vers la 14e chanson, interviendra Paul McCartney au cri, à la basse forcément, avec le titre We're on the Road Again de Ringo Starr sur le nouvel album qui s'appelle Give More Love. Je vais vous parler de Lovely Rita, justement, puisqu'on vient dans le thème de l'amour. Lovely Rita, c'est la directrice du Beatles Magazine à Londres, et grâce à elle, vous savez tout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur tout ce qui se passe sur les Beatles, sur John, Paul, Ringo, George, sur le fait, par exemple, que Paul McCartney est en train de préparer un nouvel album et que, je le cite puisque je le vois sur le site, il a déjà été enregistré Special Day et Let Myself Down. On attend ce nouvel album. Monsieur Paul McCartney, please hurry up, we want this album. Donc, vous pouvez savoir sur les Beatles, sur les gens qui tournent autour des Beatles et également sur les animateurs radio. C'est très intéressant de savoir qu'il existe une émission aux États-Unis qui s'appelle par exemple Beatles Tonight ou d'autres qui s'appellent Come Together with Brooke Alpin. Il en existe un en Italie avec un confrère qui démarre à 21h, je vous conseille de rester là quand même, mais c'est bien, c'est sympa aussi son émission, et tout ça vous le savez 24h sur 24 sur BeatlesMagazineUK.com. Merci Lovely Rita, merci Beatles Magazine. Voici les Beatles justement avec Taxman. C'est le moment d'ailleurs de payer les impôts bientôt. RIG 90.7, la radio des Beatles. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you drive to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Je n'ai jamais dit que c'était extrait de l'album Revolver, c'est extrait des anthologies des Beatles en 1996. Maintenant, nous allons revenir à l'album de la semaine et vous parler de l'album All Things Must Pass. Il est sorti juste avant les fêtes de fin d'année 1970. All Things Must Pass casse la baraque avec en figure de proue la chanson que nous allons entendre dans quelques instants, My Sweet Lord, un percutant single qui fait le tour du monde et s'installe illico en tête des charts anglais et américains. Le succès de Beatle George dépasse alors largement celui de ses camarades de jeu, Paul et John. Juste revanche en regard du peu de place que ces derniers ne daignaient lui accorder sur chaque disque des Beatles. Pourtant, au fil des ans, son talent propre ne craignait plus la comparaison avec le leur. Au point que, sur la ligne d'arrivée que constituait Abbey Road, sa composition Something, son premier single avec le groupe, avait décroché un très mérité numéro 1. Tandis que Here Comes the Sun allait devenir un incontournable standard. Deux chansons qui, par ailleurs, allaient faire l'objet de multiples reprises et par les plus grands. À la force du poignet, George Harrison a gagné tardivement une stature d'auteur-compositeur se mesurant pleinement à celle du tandem Lennon-McCartney. On apprendra avec le temps que nombre des chansons de cet album avaient germé durant la période Beatles. Le groupe les avait parfois enregistrées et finalement écartées de leur choix. On trouve une version de All Things Must Pass sur le volume 3 de l'anthologie, par exemple. Harrison est à ce moment-là un compositeur très prolifique, au point qu'il offre volontiers ses chansons à d'autres artistes comme Billy Preston, Jackie Lomax ou Ronnie Spector. Il est alors, selon ses propres termes, un constipé qui se relâche. Je le dis régulièrement quand je parle de cette période juste après les Beatles. D'où l'ampleur de ce triple album que jalousera même un John Lennon très agacé par son succès. D'autant que, côté invité, Harrison ne s'est pas privé de collaborations prestigieuses. Le producteur américain Phil Spector coproduit l'album à ses côtés et déploie ici avec brio les facettes de son légendaire savoir-faire, même s'il a parfois la main un peu lourde sur des compositions qui auraient mérité un assaisonnement plus doux. Bob Dylan a coécrit avec John I'd Have You Anytime, la délicate ballade qui ouvre l'album, et lui a également offert If Not For You. Côté musicien, quelques fines lames sont venues lui prêter main forte. Eric Clapton, Dave Manson, Klaus Voormann, Billy Preston et Gary Brooker, Pete Drack, Ringo Starr, bien entendu, Jim Gordon et Alan White, à la batterie par exemple, et le groupe Badfinger au complet pour ne citer que les plus marquants. Et pour la petite histoire, un Phil Collins débutant a également participé à ces sessions, mais ses prises n'ont pas été retenues. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album et ce superbe titre que vous connaissez tous. Puisque quand on dit « Est-ce que tu connais une chanson de George Harrison après les Beatles ?» La plupart du temps on dit « Oh ben, My Sweet Lord », quand on connaît un petit peu quand même. Let's go. No one else can make you change. get older, losing my hair many years from now? Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. It's not too dear. We shall scrim and save. Grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Beatles à l'instant deux fois avec Within You Without You et When I'm 64. Et je voulais profiter de l'occasion de cet album-là, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, pour vous dire que il est sorti enfin le DVD Change Begins Within, un concert de charité pour le bénéfice de la fondation de David Lynch. Dans ce concert, il y a eu des petits gars comme Paul McCartney, Ringo Starr, Sheryl Crow, Donovan qui a bien vieilli, mais bon, c'est normal. Et d'autres, il y a j'arrive pas à lire Ben Harper, voilà. Donc c'est quand même très très intéressant. Et surtout dans ce DVD là, il y a Paul McCartney et Ringo Starr qui chantent With a Little Help from My Friends. Et à la fin, poussé, on va dire, certainement par Paul, Ringo tient la note, le For My Friends, comme ça, il arrive à le faire, et voir, là j'ai des frissons rien qu'à le dire, je l'ai regardé cet après-midi, voir Paul McCartney et Ringo Starr ensemble sur scène, c'est un rêve, j'adorerais ça, et donc, au moins pour ça, pour avoir McCartney et Starr ensemble en train de chanter une chanson, il faut acheter ce DVD. Et puis, vous faites une bonne action de toute façon en achetant ce DVD. Voilà. Et puis, ce qu'on parle de Paul McCartney, le voici. Avec extrait de Memory Almost Full, sorti en 2007. Cette chanson, Vintage Clothes, sur RG. What we are and what we wear is vintage clothes. Vintage clothes. Vintage clothes. We jump up for joy. Who cares if we look like a ghetto boy? What we are is what we are, and what we wear is vintage clothes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vintage clothes. Vintage.

Stardust, extrait de l'album Mind Games sur RIG. C'est John Lennon, bien évidemment. Et je le soupçonne de jouer sur le mot tied as, donc serré comme, et après il dit la suite. Oui, tied as, le cul serré. Avoir le cul serré, quelque chose comme ça. Bref, je voulais vous parler d'autre chose avant de me laisser déconcentrer par ce titre-là. Je voudrais que vous participiez à une campagne de réhabilitation de l'album Back to the Egg. C'est un chef-d'œuvre que même Paul McCartney ne voit pas. Et c'est bien dommage. En 2011, il a repris Baby's Request sur l'album Kisses on the Bottom, mais c'est pas suffisant. Moi, j'aimerais qu'il chante So Glad to See You Here en entrée de concert, et j'aimerais aussi que la prochaine remasterisation ce soit Back to the Egg. Alors, faites des tweets si vous le voulez, ou mettez-le sur Facebook aussi. J'ai fait un exemple de parce que j'ai un compte Twitter qui s'appelle La Saga des Fab Four, et il y a marqué Paul McCartney, c'est adressé à Paul McCartney directement. Please, we want So Glad to See You Here on Set List and Back to the Egg Remaster. Please us. Voilà. Si vous pouviez copier ça ou mettre que vous aimez et retweeter, ce serait absolument génial. J'aimerais qu'on en fasse plein. J'aimerais que vous le disiez à vos copains et copines. Et comme ça, on pourrait essayer de faire monter ça, que ça devienne un top tweet. Oh, ce serait génial que ça se passe avec la Saga des Fab Four. Ça me surprendrait. Voilà. Allez, pour la prochaine chanson, on revient à l'album de la semaine. Et ça tombe bien. À l'instant, sur mon téléphone, Jean-Philippe Fab Four, celui qui adore Georges plus que n'importe qui ici et au monde, il adore la chanson Wawa. Mais il n'est pas le seul. Alors, pour lui, et puis pour tout le monde, dans quelques secondes, Wawa sur RIG. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with the Regale. That's right. Wawa qui n'est pas le cri du chien, mais qui est la pédale la guitare, qui s'appelle la pédale Wawa, tout simplement. Ça donne le son que vous entendez. Vous êtes sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles, c'est la saga des Fab Four, numéro 344. Oh, léger, on a mis le son au maximum. J'espère que vous aussi, dans vos voitures ou chez vous, vous avez mis le son aussi fort que possible. Et on va se calmer avec Monsieur McCartney. Wine Dark Open Sea, on l'écoute rarement. Sailing on a wine dark open sea. Sailing on a wine dark open sea. Lighten up my heart. Leave it to the evening breeze. Give me love.

on the road again. 77 ans, Ringo Starr est toujours sur les routes, et tant mieux, merci. Et puis, le riff qui tue, quand même. J'adore, vraiment, vraiment. C'est du très, très bon boulot. On change de style, et on revient en arrière, en 1967. Et ce titre, I Am The Walrus, sur RIG. You kissed the bicycle by mistress, dad just would retire. quelle chanson extraordinaire. Et surtout si on se remet dans le contexte de l'époque, 4 pistes, c'est à partir de 68 qu'ils ont eu plus de pistes que ça. Donc, pour ces chansons-là, ben, il fallait enregistrer, remettre sur une seule piste, puis mettre d'autres pistes, puis rajouter couche par couche par couche. Alors que maintenant, avec les moyens numériques, on met 50 sons différents sur le, partout. C'est très très facile maintenant. Mais à l'époque, quel boulot et quel résultat. Les Beatles, ce sont les meilleurs. Je le dis depuis, oh bah depuis 34 ans dans la saga des Fab Four. Et je continuerai à le dire pendant un sacré bout de temps. On revient à l'album de la semaine sur RIG. L'album de la semaine, c'est All Things Must Pass. Et je vous propose d'écouter eh bien, la chanson éponyme All Things Must Pass. Je croyais l'avoir déjà passé. Non, non, on avait passé A Waiting on You All en début d'émission. Donc voici All Things Must Pass. Arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit eux qui les chantaient en tant que reprise d'un de leurs pères, comme par exemple, je sais pas, j'ai plus de nom en tête, Little Richard par exemple, voilà, pourquoi pas, c'est une reprise, on peut écouter soit la version de Little Richard, soit la version des Beatles, pourquoi pas, ou un artiste qui reprend une chanson des Beatles, ou des quatre de Liverpool, donc après la séparation, et même vous peut-être qui reprenez une chanson. Là, je vous ai choisi une grosse pointure quand même, hein. Il a fait partie de Nirvana, il fait partie encore de Foo Fighters. Voici les Foo Fighters qui reprennent Ben on the Run, une version musclée sur RIG. La saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Dave Grohl des Foo Fighters il y a quelques minutes avec la reprise de Ben on the Run. Ben on the Run que Sophia a vu, enfin il a pas vu, elle n'a pas vu Ben on the Run, mais elle a vu Dave Grohl en 2015 qui a rejoint Paul sur scène pour I Saw Her Standing There. C'était mémorable. Eh bien, je propose de lui redonner un petit coup de mémoire, un petit coup dans les dents. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, de se rappeler de ce titre I Saw Her Standing There. Parce que le voilà avec les Beatles. One, two, three, four. C'était prévu dans la programmation, c'est pas du hasard. See you.

guess from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl, another girl. Another girl. On n'arrête plus la musique parce que bientôt déjà la fin, hélas. Mais ça n'est pas la fin. Écoutez, vous allez comprendre. Fin alternative seulement valable sur l'anthologie 3 sortie en 96 ou sur l'album Tomorrow Never Knows sorti en 2010, une compilation des Beatles. Voici pour la dernière fois l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est All Things Must Pass et ce titre The Art, enfin, Art of Dying. George Harrison sur RG. falloir que j'enlève des titres, j'ai pas envie. Paul McCartney sur l'album Common People, I Can't Imagine sur l'album The Complete Works, parce que je l'ai. I can summon up enough for this and maybe more. Pas In My Life qui était programmé, ni Imagine qui était programmé, ni I'll Give You a Ring, mais vous entendrez le dernier morceau So Wrong for So Long de Give More Love, l'album apparaître de Ringo Starr en 2017, et c'est la dernière chanson de la saga des Fab Four, un country comme on l'aime avec Ringo. When we first met on the rooftop of that hotel, everyone around us could see we got on well. So we